tu pars. Ça ne vaut même pas la peine que je te dise je t'aime, puisque tu ne m'aimes pas. Tant mieux si tu pars. Tu ne vaudras jamais le garçon que j'aimais avant toi. Je croyais qu'il y avait au fond de toi un tout petit peu de moi. J'espérais qu'un jour je me marierais avec toi. Je croyais qu'il y avait dans tes rêves un tout petit peu de moi. Maintenant, repassons au présent et ne pensons plus à ça. Tant mieux si tu pars. Ça ne vaut même pas la peine que je te dise je t'aime, puisque tu ne m'aimes pas. Tant mieux si tu pars. Tu peux claquer la porte, que le diable t'emporte, ne te retourne pas. Je croyais qu'il y avait au fond de toi un tout petit peu de moi. J'espérais qu'un jour je me marierai avec toi. Je croyais qu'il y avait dans tes rêves un tout petit peu de moi. Maintenant, repassons au présent et ne pensons plus à ça. Tant mieux si tu pars. Tant mieux si tu pars. Tant mieux si tu pars.